Le dirigeant suprême Kim Jong-un a fait don des instruments de musique au palais et aux maisons des enfants de tout le pays, notamment au palais des enfants de Faelyang à l'extrémité nord, au palais des enfants de Kaesong dans la ville de la ligne de démarcation, à la maison des enfants de Wonsan sur le littoral est et à la maison des enfants de l'arrondissement de Suncheon sur le littoral ouest.